Chapitre 10e. Et plusieurs siècles se passèrent. La terre dormait d'un sommeil léthargique, point de bruit à sa surface, et l'on n'entendait que les eaux de l'océan qui se brisaient en écumant. Elles étaient furieuses, montaient dans l'air en tourbillonnant, et le rivage remuait à leur secousse comme entre les mains d'un géant. Une pluie fine et abondante obscurcissait la lumière douteuse de la lune, le vent cassait la forêt, et les cieux pliaient sous son souffle comme le roseau à la brise du lac. Il y avait dans l'air comme un bruit étrange de larmes et de sanglots. On eût dit le râle d'un monde. Et une voix s'éleva de la terre et dit « Assez, assez. J'ai trop longtemps souffert et ployé les reins. Assez, oh de grâce, ne crée point d'autre monde. » Et une voix douce, pure, mélodieuse, comme la voix des anges, s'abattit sur la terre et dit « Non, non, c'est pour l'éternité. Il n'y aura plus d'autre monde. » Ainsi s'achève « Rêve d'enfer » par Gustave Flaubert.